rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclus dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap gradure. Passez une bonne soirée, c'est reparti pour une nouvelle semaine avec celui dont on entend parler partout sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant. Il est là avec nous entre 20 et 21 toute la semaine, monsieur Gradure. Bien bon Fred, ça va ou quoi? Et toi? Au calme, ça fait plaisir d'être là. Prêt pour le feat? Ouais, je suis prêt. Bon bah bienvenue en tout cas dans ce Planète Rap. On va faire connaissance avec toi puisque c'est vrai, je disais là, chaque fois que tu postes un freestyle, c'est l'émeute, ça clique comme jamais. Toi tu le ressens depuis combien de temps ça, cette montée en puissance autour de toi en fait? À partir de Chegué 2. Chegué 2, Chegué 2, Chegué 3. Là c'est là vraiment que ça commence à bien prendre. Après j'ai fait qu'envoyer la sauce. Un freestyle chaque semaine et ça a bien pris. Et puis là il y a différents projets qui sont en route. Alors il y a un album qui s'appelle L'Homo Bob, mais ce sera un peu plus tard, hein. Il va pas arriver tout de suite l'album. Ou fin d'année, début d'année, tu sais pas en... Voilà, c'est à mon avis fin d'année ou limite début d'année. Donc début 2015, mais d'ici là, pour tous ceux qui aiment Gradure, il y a une mixtape qui arrive là dans quoi, dans quelques jours? Voilà, d'ici demain même, sur hautculture.com. Et ça va réunir tous mes freestyles chez Gay, ainsi que les potes à moi avec qui je rappe, et quelques inédits. Bon, c'est juste pour faire plaisir à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début. Donc c'est le mixtape dans la semaine, là, demain. Voilà, chez Guevara. Sur le site en exclu, donc c'est un site en exclu, hein, on pourra trouver. C'est un site en exclu, Haute Culture. Haute Culture, où vous pourrez cliquer et retrouver donc tous les sons de Gradure, tout ce qu'il a déjà balancé sur le net, voilà, qui cumule des millions de vues. On va voir si on peut exploser encore plus cette semaine. Si vous voulez cliquer, n'hésitez pas, les images sont dispo, c'est sur Skyrock FM, sur l'appli Skyrock. Si je devais te demander un petit CV express, Gradure, pour faire connaissance avec toi, tu dirais quoi? Donc le nord de la France. Nord de la France. C'est là d'où tu viens? Voilà, M Roubaix. Donc M c'est une ville juste à côté de Roubaix. Donc c'est un peu collé. C'est le nord Pas-de-Calais. On est là, on essaye de faire notre chemin doucement et on va essayer de pousser tout le 5-9. Et il y a une partie du 5-9 qui est là, j'ai l'impression. Il y a du monde avec toi. Il y a du monde. On n'est pas tout seul. T'es pas tout seul, en effet. Pas tout seul, Fred, tu connais. Et tiens, et pour tous ceux qui veulent avoir un aperçu de Gradure, qui veulent le découvrir, on a préparé un petit medley de toi avec l'essentiel des Chegué de 1 à 10, hein, puisqu'il y en a 10 hein, pour l'instant des Chegué. C'est comme ça que t'appelles tes freestyles, tu les as balancés au fur et à mesure. Et ben ça donne ça, Gradure, écoutez. Planète Rap. Sortez les feux bon, négro, sortez les feux bon. Dans mon 5-9, c'est la guerre, négro, sortez les feux bon. Sortez les feux bon, négro, sortez les feux bon. Choisir les 9 PDA, c'est qui? Sortez les feux bon. J'ai de tête footballeur, j'ai fini big graveur sur le dé. Casse ta puce pour tes marques, dans la structure des gens. Pour un litre en deux, on va te drive-mailler en R. Ma tête la accélère, accélère la vie sur R. Je suis dans la tourmente. Tous ces bâtards veulent ma pinaille qui m'attend au tournant. Je suis dans la tourmente. Ouais bro, je suis dans la tourmente. Tous ces bâtards me guettent du coin et qui m'attend au tournant. Mon dégro, quelques potes m'ont trahi. C'est tous ces fils de pute qui m'ont poussé à porter le tri. Je les aime tous, mais c'est eux qui maïssent. Me néglige quand je suis en chien, me kiffe quand j'ai du rage. Au régiment, j'avais mon pharmace mini. Et au checkar, j'avais mon 762. Avant mes chèques, exploitaient pour des billes. Maintenant, on fume pour 2-3 du trompe. On n'est pas tous seuls. On n'est pas tout seul. Planet Rap. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Touche un membre de ma clique, négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Gradure, XO, Roubaix, Sevran. On n'est pas tout seul. Skyrock. Planet Rap. Skyrock. Sur du Gradure, fais des pompes, des tractions. À l'armée, j'avais mon pharma, c'est un peu dans le cas. Un peu dans le cas. Ouais, je répète. Y'a peu dans le cas, y'a peu dans le cas. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. Tu fais la meuf qui n'y sort pas dans les chichons. J'ai l'herge, car tu te prises dans le cul et pas la tocha. Non, non, pétasse, crois pas que tu vas nous bluffer. De la mais je veux partir, hein, qu'avant le réveil, j'suis refait. Planet Rap. J'arrive dans le game en tri et toute la concurrence je la baisse. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 XO. Tire déballe sur des cibles, crache ma haine sur un beat. Moi j'apprends comme un pin et ta gomme suce la pile. Dans le 5-9 j'habite. Planet Rap, Planet Rap. Je continue, pas de ce qu'elle demande en vue. Presque, je vais te demander en tout cas de rester là tous les soirs de la semaine entre 20h et 21h gradure pour bien faire connaissance avec toi, pour te découvrir. Alors c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose qui est vachement présent dans tout Échégué, c'est le côté militaire treillé. Ouais. C'était quoi, la vie d'avant ou c'est encore la vie maintenant? C'est encore maintenant. C'est encore maintenant. T'es venu avec le régiment? Avec mon régiment. Tout mon régiment. Non mais c'est vrai que t'as une vie de militaire aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. En voyant les photos aussi que tu postes sur le net, un peu partout. Voilà. C'est ça, je suis à l'armée depuis, ça fait au moins 3 piges. Hein. Mmh. Là, ça commence à être difficile. Hein. C'est quoi d'ailleurs qui t'a motivé à rentrer dans l'armée d'ailleurs? À rentrer dans l'armée, j'étais à un moment où je partais un peu en couille, je me suis dit vas-y, je vais essayer. Je me suis dit je vais faire 2 mois là-bas, juste pour voir si je peux tenir. Et à la fin, j'ai tenu. Et là, tu tiens. Donc là, par contre, avec la musique, ça devient un peu plus compliqué, ouais, je suppose. Ça commence à être bien difficile. Donc le choix va être plutôt vers la musique. Voilà, je pense. Hein. Je pense. On va voir déjà ce que l'album va donner. Ouais. Bon, demain, il y a une mixtape qui sort. En tout cas, tu nous l'as dit. Où on va retrouver l'ensemble des Chégué. Comment on peut traduire d'ailleurs Chégué? Chégué, c'est un mot dans ma langue, en fait. Donc je viens du Congo. Ouais. République démocratique du Congo. Et Chégué, en fait, c'est les mecs qui vivent dans la rue. Tu vois, qui sont un peu reniés par leur famille, entre guillemets, qui vivent dans la rue, qui essaient de se débrouiller, quoi. Tu vois. Et c'est ça. Et nous, en fait, notre côté Chégué, c'est que on est là, on essaye de vivre comme on peut. Donc on essaye de travailler ou se démerder. Voilà, c'est ça. C'est ça un Chégué en France, en fait. T'es arrivé quand, toi, en France? Moi, je suis né en France. T'es né en France? Voilà. Tu retournes souvent, justement, au pays ou pas? Je vais essayer d'aller bientôt, là. D'accord. Ouais. Et ben, on va découvrir tout ça toute la semaine. On va faire connaissance avec parfait, toi. Frère. Et tu m'as dit en arrivant, moi, d'entrée de jeu, je veux kicker, je veux faire le live. Vas-y, je vais faire un live direct. L'Ordissa est au platine. Vas-y, c'est Gradure est au micro toute la semaine. Premier live maintenant dans Planète Rap. Force à vous, Schweitzer M, on est là. Si, si. Hashtag Gradure sur Skyrock pour agir. L'Ordissa, c'est quand tu veux. C'est parti. Ouais, ouais, ouais, y a du monde derrière ou pas? Ouais, ouais, Schweitzer. Ok, nouveau roubé. Et squat. Ok, squat. Tout le monde. Au régiment, j'avais mon fameux Mili. Et au checker, j'avais mon 762. Avant, mes chèques se battaient pour des billes. Maintenant on se fume pour des litrons de beurre. On crache les balles, ramasse les yeux doux, yeux doux. Ta pétasse nous fait les yeux doux. Mes chèques vont niquer ça te chat. Elles sont moundés, les mondibou ou mouindou. Que des soldats sur le intep. Et tu finis à poil si t'as planté. Nique sa mère au l'endormant des Pays-Bas. En Gova et les corps sont blindés. Me casse pas les couilles, négro, j'ai le flow amigo. Je me mélange pas tous ces pétés puis la migas. J'suis né pour baisser le game, baisser le remède. En 8 mois dans le game, autoprogramme. Validé de l'île Paris, Miami. J'écris tous mes textes, au check sont entrés. Chégué, c'est la même avec ou sans de oui. À ce qui paraît, tu brasses. À ce qui paraît, t'as dealé. Arrête tes blabla dans tes poches. Y'a même pas de quoi, j't'ai dulé. Mais Chégué récupère et distribue comme ma couille. Pendant que toi, tu fais des blagues, des mensonges gros comme ma couille. Sur la vie de ma âme. Sur la tête de ma remède, tous ces fils de pute qui partent dans mon dos, c'est Dokin, c'est place, j'enlève et je la remets. Mon négro corps rafale, ça fait pa pa pa. Gradure validé par Skyrock, alors parle pa pa. Je la prends sur le mur, elle se colle à mes gros papa. Et je baisse ta vieille, elle me suce la gueule, je crache des perles comme Paul Pogba. Wow, je suis venu au monde en paix, mais je suis un tueur né. Dans le game, on me compare à des tontons, je suis un nouveau-né. Tout le monde! Au régiment, j'avais mon fameux Mili. Et au checker, j'avais mon 762. Avant, mes chèques se battaient pour des billes. Maintenant, on se fume pour des litrons. Au régiment, t'avais ton fameux Mili. Et au checker, t'avais ton 762. T'as voulu faire la guerre pour un yébi. Tu t'es fait rafaler au 762. On a Asta, je parle contre Gamos. On pèse tes rappeurs, demande à Camos. La jambe du Gradure sort de rééducation. Je baisse leur mère et Gradure fait leur éducation. J'en ai rien à foutre de tous ces pédés qui partent. Rien à foutre de tous ces MC qui chantent. Les gens se demandent comment je fais pour salement craper sans avoir signé un pack. Machallah, je vais mourir comme un soldat pro. Je vais pas évoquer le chétan dans mes cantiques. Fuck Jay-Z. Petite pétasse, si tu me suis trop avalé, me sperre. Il disparaîtra dans ta gorge aussi vite qu'on l'appellera Casper. Je comprends pas le gradure et vulgaire, mais c'est ça le kiff. On sort de Dole, on baisse ta daronne comme Bernard Hopkins. Ces pétasses veulent m'habiter, elles croient qu'ils vont me grailler. Tu m'as donné ton hume, tu croyais que j'allais t'appeler, mais qu'est-ce que tu croyais? T'as vendu 2-3 balles, tu te la joues au quartier. Moi je contrôlais mon régiment, très illuminé de quartier. D'ailleurs, putain de gamme, tu crois que j'ai acheté comment? Je viens d'arriver, je prends leur place, ils comprennent pas comment. Je suis comme un ovni venu de nulle part. Je rafale tous ces pétés de rappeurs pendant la touche pas. Bah ouais, dans ce putain de game, j'ai pas de copie. Bah les couilles que ces petits salopes me prennent pour une pâle copie. Au régiment, j'avais mon fameux Schweitzer. Et au checker, j'avais mon 760 roupé. Ouais, ouais. Avant mes chèques, ils se battaient pour des billes. Maintenant, on se fume pour 2-3 litres de bœuf. Au régiment, t'avais ton fameux Smilly. Et au checker, t'avais ton 762. T'as voulu faire la guerre pour un yébi. Tu t'es fait rafaler au 762. Chèque et squat. Chouette serre, t'as les trappes, ça fait zizir, on est ensemble. Ouais. C'est Gradure, notre invité toute la semaine entre 20 et 21 d'entrée de jeu en live. C'est le 6, hein? Ouais, c'est ça, c'est Chege 6, Soldat Midi. 6 à l'instant sur Skyrock. Mm-hmm. Tous les Chege de 1 à 10, vous les retrouvez dès demain dans une mixtape gratos, la mixtape. Ouais, mixtape gratuite. Allez, hop. C'est offert pour vous, mes Chege. C'est gratuit. C'est offert, voilà. C'est pour vous. C'est la tournée de la maison, c'est la tournée du patron. C'est la maison qui paye. Avec le hashtag Gradure sur Skyrock, vous balancez vos messages entre 20 et 21, justement, à faire connaissance avec toi. Tu veux présenter un petit peu qui est autour de toi aussi? Voilà, je veux présenter un peu. Donc, à ma gauche, c'est Kaïps, un rappeur aussi du 5-9 qui arrive très très lourd. Il sort de tôle, il a la dalle, mon frère, il a la dalle. Bon, ça va bien? Tu vois, ça va. Ça va. Mmh. Bienvenue ici dans le Planète Rap. Si, merci. Donc, du poteau Gradure, vous connaissez depuis un moment, je suppose? Ouais. 10 ans, je connais quand on était. Une dizaine d'années. Roubaix, hein. C'est quoi d'ailleurs l'histoire de. Toi, ton histoire avec le rap, t'as commencé à rapper quand? Qu'est-ce qui a été motivateur? En fait, je me suis déjà essayé quand j'étais petit avec Nida, ouais. Kinsha, quand j'avais peut-être 14-15 piges. On faisait comme ça des sons, ils faisaient des sons, je fais deux sons pour rigoler. Je me suis arrêté. Et là, je sais pas, je me suis cassé la jambe, j'avais rien à faire, j'étais au quartier, ça fumait. Je voyais mes potes qui rappaient, je me suis dit, vas-y, je vais essayer de reprendre. J'ai écouté une prod, j'ai kiffé, j'ai fait un son. Après, c'est comme une drogue, hein. Mmh. Tu fumes un joint, t'en veux deux, bah c'est pareil. Et là, j'ai t'en as 10 son, déjà. Voilà. Et j'en ai plein encore. Il y en a plein d'autres, ouais. Voilà. Et sinon, toi, t'as eu des groupes ou des artistes, voilà, que tu. Qui t'ont mis des claques rapologiquement parlant? Ouais, il y en a plein. Quand j'étais petit, c'était les Booba, mmh. les Rov que j'écoutais, Alpha 520, c'est des gens qui m'ont motivé, ça livre, plein de gens, c'est des gens qui m'ont motivé à. Tu vois? Moi, je kiffe le rap depuis petit, en fait. Donc, ça veut dire que j'écoute un peu de tout, que ce soit rap français, rap quinri, R&B, tout. Je suis un peu éclectique. Et il y a plein de gens qui m'ont poussé. Il y a plein de gens. Bon, t'as dû être content d'ailleurs quand Booba a balancé, c'était ouais. justement sur son Instagram en te validant, puisque d'ailleurs dans SMS Remix, t'en parles aussi, tu fais un petit clin d'œil. Ouais, c'était Black Brut, c'était mon poteau qui sera là mercredi. On fera ses SMS en live, un gros SMS. Et c'est lui qui l'a placé. Et ouais, ça fait plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir. Déjà, juste le fait qu'il ait partagé chez G2, ça fait plaisir. Et après, moi, j'ai bien fait mon chemin. J'ai bien fait mon chemin et ça continue. Et bah l'aventure même, c'est le commencement d'une grande aventure, ouais, pour toi. C'est le commencement, si Dieu veut. On continue la présentation, donc voilà. des gens qui t'entourent cette semaine. Donc, à mes côtés, bon, il y a Clifford. Bon, lui, il rappe pas, mais il est là. Sur le Détol aussi, il a faim. Regardez. Et il y a Nida juste à côté de moi. Ouais. Qui rappe dur aussi ici. C'est mon poteau depuis petit. On était à l'école ensemble. Présente-toi, Nida. Ouais, donc c'est Nida, rappeur, Roubaix, nouveau Roubaix. Ça rappe depuis déjà un bon petit moment, et puis voilà. Ouais. Gradure, il est là, il nique tout, on est là, on lui donne la force, on le supporte au max. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Yes. Surtout dans le 5-9, frère, on est des chauvins, on n'est pas tout seul. Ouais, on n'est pas tout seul, ça fait plaisir. On continue. Et voilà, il y a encore mon petit peu ZKR. ZKR, petite pépite du nouveau. Voilà, qui vient d'avoir 18 ans et qui est très très fort aussi. Ça rappe lourd. Et qui arrive lourd. De toute façon, il sera sur la mixtape aussi. J'ai mis plein de potes à moi qui rappent aussi, qui sont pas connus, histoire de leur donner une petite exposition. Faire croquer tout le monde. Ouais, un petit peu tout le monde. Et ça sort donc demain sur un site qui s'appelle, rappelle le nom du site, Haute-culture.com. Haute-culture.com. Vous en trouverez la mixtape gratos de Gradure. On écoute un autre Chegué. Vas-y, parfait. Lequel? Quel numéro? On écoute lequel, les mecs? Chegué 2. Ah, le comme Chegué tu parlais 2. De ça, on va écouter Chegué 2. Eh bah, ben, Chegué 2 maintenant. Leur dis ça quand la tu mort veux. Leur va si bien. LMVSB. Gradure sur Skyrock avec le hashtag. Vous réagissez en direct dans l'émission. On peut mater l'émission, les images aussi. Hein. C'est sur Skyrock Chez FM, soit... sur l'appli de Skyrock. Ah, Lordissa m'a dit qu'il l'a pas. Ça va poser un petit souci s'il l'a pas. Il va le retrouver tout de suite. Je vous rappelle aussi que vous, tiens, cette semaine, freestyle par téléphone, 41759 pour s'inscrire. Vous repartez toute la semaine avec le jeu vidéo NBA 2K15 qui est dispo depuis le 10 octobre. Et puis attention, tous les freestylers, on les mettra aussi sur le blog de Planète Rap la semaine prochaine. Il y aura aussi la PS4 à gagner. Ce sera à vous de voter pour le meilleur freestyler de la semaine. Dès la semaine prochaine, on va enregistrer tout ça. On les balance sur le site, sur le planetrap.skyrock.com. NBA 2K15 à choper. On a retrouvé le Chegué 2. Ouais, c'est parfait. Chegué 2, tu veux peut-être dire un mot d'ailleurs que c'est bon ou bah, balançons-le et puis après on en parle juste après des Chegué. Leur dis ça quand tu veux. Chegué, Gradure, remix. Si c'est pas pour du bif ou la daronne, Chegué, range ton tableau. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, redevant ton vélo. Si c'est pas pour du pif ou la daronne, redevant ton vélo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, négro, vend ton vélo. Si c'est pas pour du pif ou la daronne, négro, range ton vélo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, négro, vend ton vélo. Bah les coups de tous ces négros qui sont négro. On a tiré sur les terrains militaires, bah les coups de leur fucking guerre des égos. J'ai un pied dans le guet. L'autre vient de sortir de l'hosto. Mais Chegué vont t'allumer ta mère, négro, même si t'es costaud. A peine 7 mois que je suis dans le game. Et la street m'a validé. J'envoie du lourd, t'es pas méchant. Comme Pepe Ross, c'est la qualité. Force en Pepe Ross, on est ensemble, Chegué. Ouais. Pour un gros bif ou des stocos, négro, sort un coulet. 5,56 pour le top. 7,62 pour les fumées. Tu vis la corde sur les balles de mon calibre pour tous les enrhumés. Négro, tractionne la barre à l'arme au placard. On prend pas l'enfant mystéro. Tuki, Zakaï, on est ensemble, mais Chegué, force. Mais dis-moi pourquoi. Romain, l'autre fille. Ouais, garde la pêche, les mecs. Qui peuvent même pas serrer les coudes. J'donne de la force à tout le monde, mais j'ai pas vu de partage. De toute façon, soldat, je me barre de ton pays, laisser mon buzz et mon pactage. Pour mes clowns avec Kinshasa, pour mes Chegué de Brasta. Pour plus mon bolo cono qui sortait vite, frise la caille, ma sasta. 130 000 vues par ci, 60 000 vues par là. Je n'ai rien à foutre du buzz, je suis juste venu faire kiffer mes scarla. Gradurie, plus sa mère, ouais, c'est un tel en moins cher. Négro militaire, je vais t'allumer ta mère, comme ça tu vas prendre cher. Je vais pas te le dire mille fois. Tiens ta langue quand tu parles dans les justices. On sent pas les coups du rap, tous mes Chegué claquent l'argent gagné dans les PSU. Putain, qu'est-ce qui t'a pris Grady à vouloir mettre dans le peur. Y'a même pas des preuves que des langues de pute et ils appellent ça des guerres. Putain, merde. J'ai juste à ouvrir la bouche pour mettre ces putains à terre. Laissez-moi prouver ou laissez-moi crever. J'ai que 23 piges, voilà et puis là qui vont tous le regretter. Voilà et puis là qui vont tous le regretter. 23 piges, j'ai que quand je vais crever. Voilà et puis là qui vont me regretter. Gradure, j'ai que terre. Si c'est pas pour du pif ou la daronne, Chegué, range ton tableau. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, redevant ton vélo. Si c'est pas pour du pif ou la daronne, redevant ton vélo. On s'en bat les couilles du rap si ça marche pas, négro, vend ton vélo. Et l'homme c'est Kimcha, Nida, Ibra, Brandon, Ron, ouais, Hooks, Sandro, Danny, Guy, Cozy. Tout le reste, Cyril, dédicace à tous mes frérots Haps, partout. partout, partout. 5-9 en force, on est là, Chez Guess Squad. Le 5-9 représenté par Gradure toute la semaine entre 20h et 21h. Mais c'est vrai que c'est important aussi de représenter pour toi c'est quelque chose d'important, ouais, justement. C'est très important. Le 5-9. C'est très important, faut pas oublier d'où on vient. Même si imaginons que ça marche dans 5 ans ou que ça marche bien, il faut jamais oublier d'où l'on vient. Bah toi, en l'occurrence, donc, à côté de Roubaix, une ville qui s'appelle M. M, c'est ça. Pour ceux qui connaissent, c'est là d'où vient Gradure et M, d'autres Nouveau invités. Roubaix. Les invités de Planète Rap cette semaine entre 20 et 21 pour faire mieux connaissance aussi avec toi, mais j'ai relevé différentes choses sur le net, donc tu me dis vrai ou faux. D'accord. Si t'as envie de développer, tu me dis. Parce qu'on voit tout et n'importe quoi, t'es d'accord sur le net? Ouais, on voit tout. Bon, c'est le buzz. Ah, c'est le buzz. Alors, vrai ou faux, tu étais au match vendredi au Stade de France pour soutenir le RC Lens face au PSG? Non, c'est faux. C'est faux. Tu étais pas? J'étais pas là. T'étais pas là? Non. Bon, tu supportes une équipe de foot ou t'étais pas trop foot? Ouais, j'aime bien le LOS, j'aime bien le PSG. C'est un peu ça. Bravo. J'ai mes potes qui jouent à Lyon aussi, mes potes qui jouent à Monaco, donc je tiens un peu. T'as beaucoup d'ailleurs de joueurs de foot qui te supportent, hein, parce que ouais, j'ai beaucoup de frérots dans le foot. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup, ouais. Hein, je vois beaucoup de messages. Kondogbia, Morijo, Ntep. Et tout le reste, Aurier, tout ça, c'est la famille, on est ensemble. Vrai ou faux, ton bob te vient de tes années passées à l'armée? Ouais, c'était mon chapeau de brousse. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Non, mais l'homme au bob, parce que c'est aussi le nom de l'album que tu prépares, qui viendra un petit peu plus tard, l'album. Ce délire avec l'homme au bob. Ouais, j'aime bien le bob. Bon. J'aime bien le bob. En même temps, dans le Nord, on a souvent besoin d'un bob. On n'est pas loin de chez vous, hein. Oui, c'est vrai. Bah, c'est pareil. C'est ce que je te dis. Tu m'en laisseras un ou deux pour la route. Voilà, ça pourra servir dans la semaine. Bon, vrai ou faux, tu seras sur l'album d'Alonso des Psychiatres de la Rime. Ouais, c'est vrai. On a vu des infos passer dessus, donc c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que lui sera sur ton album aussi? Lui aussi. Ah, il y aura un match aller, un match retour. Ouais, là, match aller, match retour. Lille-Marseille. Tu peux dévoiler d'autres featuring ou pas trop pour l'instant de l'homme au bob? Il y a La Crime. Grosse force à La Crime. Qui a tout niqué en plus. Ça fait plaisir. Corleone, ouais. Voilà. Gros album. Et Niro aussi. Niro qui sera Niro aussi. Aussi, qui est venu donner la force aussi. On a fait un lourd son aussi. Une grosse force au mec du 41, on est ensemble. En léger. Bon, et pour l'instant, donc, pas plus. Et Chief Keef aussi. Ah, Chief Keef, t'as fait aussi un feat avec Chief Keef? J'ai un feat avec Chief Keef. Très bien, donc ça s'exporte aussi. Voilà. Parfait, ce sera à découvrir ça sur l'album L'Homme au Bob. Qu'est-ce qu'on a vu aussi sur le net? Tiens, ah oui, il paraît que t'as tenu, vrai ou faux, il paraît que t'as tenu un stand de Bob sur la dernière braderie de Lille. Non, j'étais pas là. Mais j'aurais pu faire un bon billet. Il y aurait eu un bon billet à faire, hein. Franchement, ouais. Je pense que pour la prochaine braderie de Lille. Prochaine braderie, il y aura tout. Il y aura des bobs, il y aura tout. Il y aura un peu de tout pour les produits dérivés de Gradure. Il y a une belle collection qui arrive. Voilà. Bon, voilà pour les vrais ou faux qu'on a pu relever. Il y en aura certainement d'autres. Bon. Hashtag Gradure sur Skyrock. Allez-y, vous balancez aussi tous vos messages, toutes vos réactions. On est déjà entêtés, hein, je te le dis. Ah, c'est lourd. C'est lourd. Force à vous, mes chez Guess, on est ensemble. C'est pas fini, c'est que le début. On dit chez Guess pour les filles. Voilà. Très bien, que je retienne. Chez Guess et chez Guess. Voilà. Qu'est-ce qu'on mettra comme chez Guess dans quelques minutes, Gradure? Chez Guess 8, t'en penses quoi? Bah, le 8, moi, il me va très bien. Daniel Vess, c'est ton son, ça. On y va. Vas-y, c'est parfait, on y va. Bougez pas, c'est dans un instant. Il y a aussi, tu feras du live encore tout à l'heure. Vas-y, je te ferai un petit freestyle vite fait. Freestyle tout à l'heure, à pas louper avec Gradure. Ouais. On vous attend aussi au freestyle par téléphone et on revient après ça. Ouais. Comme toi, Gradure a choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Passez une bonne soirée, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'être en vacances. Eh ouais, c'est les vacances. Ouais, c'est les vacances. C'est comment toi d'ailleurs au Bahut, Gradure? Au Bahut, plutôt bon élève, plutôt dissipé. J'allais pas souvent, mais j'ai toujours eu mes diplômes, donc ça va. Mais quand t'y allais, quoi. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, bienvenue à vous tous pour ce Planète Rap consacré à Gradure. Demain sort la mixtape gratuite, vous allez retrouver les 10 chez Guess. Voilà. Avec quelques exclus aussi, hein, c'est ça? Quelques exclus, hein. En plus de après, toi. C'est quelques exclus histoire de faire patienter, mais après, les vrais sons, ils arrivent dans l'album. C'est l'homme au bob qui arrivera d'ici la fin de l'année 2014. On avait dit qu'on écoutait le chez Guess 8. Vas-y. On le balance. Juste avant, petite question aussi pour repartir. Alors, pas avec l'album dédicacé parce qu'on l'a pas encore et que c'est que du digital pour l'instant, mais vous allez repartir avec une petite sélection de CD. Si vous répondez à cette bonne question, à l'heure d'aujourd'hui, combien y a-t-il de freestyle chez Guess? Simple. Ouais. Vous balancez la réponse avec l'hashtag Gradure sur Skyrock au 41759. 41759. Allez-y, vous balancez la réponse et on écoute donc le chez Guess 8. C'est parti, Fred. L'ordi, ça est au platine. Vas-y. J'arrive dans le game en CI et toute la concurrence je la baisse. On n'est pas tout seul, je suis venu avec mon galop, c'est du 93 XO. Tire des balles sur des cibles, crache ma haine sur un beat. Moi j'apprends comme un pin et ta gomme suce la bite. Dans le secteur j'habite, si je continue, frère de scam. Le monde en fuite. Tous les rappeurs je les baise, y'a mon sperme sur l'enfer. C'est leur drogue dans ma gueule, c'est mon son dans l'enquête. Le secteur fait cool, la drogue et les armes. Aussi vite que dans le train. Rapper pour moi c'est trop facile. Pectoraux durs comme des fossiles. Mais le baisse ça casse les couilles. Tous les rappeurs et groupies et putain de lèche qui me fatigue. C'est quoi qui t'intéresse, chérie? C'est ma bite ou mon buzz, mon shit ou ma buzz. Je crois que cette salope elle veut un putain de vite avec ma gueule. Prends des photos avec mes fans, elle kifferait que je la prenne dans le vrai dans Beka. J'ai mis le casque et mon gilet sur mon spook. Là j'ai pas dans son trou et elle kiffe dans sa rafale. J'en avec des légionnaires, elle fout d'eux. Les salopes, tu rappes, je m'en fous d'eux. Des hypocrites, ils font trop dans la frite. Te fais pas avoir, chérie, ils ont même pas de frites. Mes chégués sont balèzes comme trop sang. Lèche que des gros seins, des purs sang. Putain, les négros ont jamais à chaque fois qu'ils vont voir une femme, y'a mon pop en fond d'écran. Tous ces bâtards me jalousent, mais faut que j'accélère comme Serge Aurier à Toulouse. Prochain d'Eden, j'file à l'anglaise. Oui, de l'anglais, j'suis le meilleur, y'a pas de hasard. Donne-moi le succès, je ramène mes bouquins. On connaît leur passé, oh, eux, c'est des bouquins. Dans les petits, croyez pas que je suis un gangster. Mais contrairement à eux, je sais quand il faut se taire. T'es trop maigrichon, même si tu prends de la beuh ou de la coke. De la beuh ou de la coke. Je veux juste savoir parce que t'es calme. Comme un putain de trave à Bangkok. Je touche du bois, j'ai pas connu la prison. Mais si t'insultes maman dans un son, je prends 10 ans. Je touche du bois, j'ai pas connu la prison. Mais si t'insultes maman dans un son, je prends 10 ans. Kinda makes me wonder why the hell so many people are trying to tell me to slow down. Seems like motherfuckers should be shutting the hell up and enjoying the show. Mais Compton. Hey, Drake, j'ai pris ton flow, boy. We made it. Grosse dédicace à Marley, Nyako, Dessin, Zakai, Timali, ça marche pas demain. Et tout le reste, on est tous ensemble. Michigan, Michigan, Lotopi, Romain, tout le monde. Force, force au max. Michel, tout le reste. Adela, Zakai, on est ensemble. Chegué, on attend que tu sors. Chegué, mon pote. Force à tous ceux qui sont là sur Skyrock 5-9, on est là. Serge Aurier. Je suis avec ton frelon, y'a rien. On est ensemble. Et ouais, une grosse casse-tête au Tcheka, chouette Zer, au nouveau Roubaix, qui sont toujours là depuis le début. Tcheka! À l'instant, le Chegué 8. Il y a un bon morceau de Gradure que vous retrouverez demain sur la mixtape. Mm-hmm. Mixtape gratos qui sort avec les 10 Chegué plus des exclus, quelques exclus. Mm-hmm. Avant l'album L'Homme au Bob, on découvre Gradure cette semaine entre 20 et 21 sur Skyrock. Tu nous feras un live dans quelques minutes. Ouais. Et juste avant, je te présente Yanis, F2L de Sartrouville. Salut Yanis. Ça va quoi, Fred? Ça va et toi? Ouais, tranquillement. Est-ce Gradure, ça va? Ouais, c'est cool. Et toi, Yanis? Ça va? Ça va, mon Chegué? Ouais, on est ensemble, mon Chegué. Ah, tu connais? Je crois qu'Yanis connaît bien Gradure déjà. Voilà, on est ensemble. Force au Mac, donc. Ça va Yanis, t'as écouté un peu Gradure, évidemment, les Chegué de 1 à 10. Exactement. Exactement. Et toi, tu viens rapper. Alors, cette semaine, il y a le jeu. Tiens, d'ailleurs, je vais enfiler un tout de suite. Bon, comme t'as bien rappé Gradure, tu as évidemment ton NBA 2K 2015 avec maillot qui va. Ça tombe bien, ça. Je viens d'acheter la PS4. Eh ben voilà. Voilà, il y en a déjà un pour Gradure. C'est bien bon. C'est bien bon. Il y en a un pour Yanis aussi. Merci, c'est gentil. C'est pour toi, mais alors, attention. Ensemble, Chegué. Petite épreuve cette semaine. Il y a 5 instrus, puisque c'est des instrus que vous retrouvez dans le jeu. Il y a l'instru de Clip, Snoop, Busta Rhymes, Tribe Called Quest ou Public Enemy. Vous devez choisir un de ces 5 instrus. Et en plus de ça, on vous enregistre et dès la semaine prochaine, on vous met sur le blog de Planète Rap et les gens voteront pour le meilleur de la semaine. Vous repartirez aussi la semaine prochaine avec une PS4 pour le meilleur freestyler de la semaine. C'est clair, Yanis? C'est clair. En attendant, il y a le jeu NBA, 2K15, c'est pour toi. Merci. Le maillot Adidas NBA, il est pour toi aussi. Merci aussi. On vient de filer à l'instant à Gradure. C'est lourd, Fred. Déjà récupéré. Tu me diras comment il est le jeu. Ouais, c'est bien bon, je vais le tester demain. Mais... Et toi Yanis, t'es prêt à rapper? Ouais, je suis prêt. Allez, une 30 pour tout déchirer. Vas-y Yanis, c'est chaud. C'est parti. Un spot public et demi pour Yanis, c'est parti. Ok. 1, Y, 2, L, Chegué Squad. 1, ok. Sartrouville, Hub, Chouette Zer. 1, ok. Check. 1, la haine passe le salam, la prison c'est l'adieu. Dans le rap, rien n'est rose, qui t'a dit que c'était adieu. Tu fais des thunes, t'artec, mais dans le rap t'as wellou. Des batailles vont me soulever, ouais. Pour moi le permis poids lourd, l'amour est aveugle. Va voir ailleurs si j'y suis, à ce qu'il paraît tout le monde te suit. À part ton compte en ce suit, tu me crachais dessus. Mais bizarrement toi qui mets Dieu avec ta meuf, y'a pas de début et tu voulais louer une suite. Sache que dans le rap, ma photo t'es la bête de porc pendant que t'es pas dans le bête de soi qui qu'on s'amuse dans la bête de soi. Et sache que la vie ne fait pas le moine, la gova ne fait pas le pilote, que des putains d'épisodes. Dans le rap il n'y a pas des pilotes, tout ce qu'ils disent on n'a pas pensé. Je me dis ce qui te concerne, bâtard tu ne fais que pioncer. Mais où sont les gros termes en ce qui me concerne? 8 kilos de couilles, 70 kilos de bras, je puis disparaître ta gâchi, abracadabra. Ok Yanis, à l'instant. Bien bon Yanis. Bien bon Yanis. Force au max. Lancé. T'as des sons sur YouTube? Ouais, j'ai des sons. C'est quoi ton son? Tu vas sur YouTube, tu vas sur YouTube, tu appelles Yanis F2L et tu vois tous mes sons. Yanis F2L, vas-y, je partagerai un son à toi ce soir. Merci frérot, c'est gentil. Vas-y, classe. Force au max frérot. Merci beaucoup. Merci à toi Yanis, et la semaine prochaine, donc on met ton freestyle. Le meilleur de la semaine, vous allez cliquer, repart avec une PS4. Et en attendant, t'as le jeu NBA 2K15 qu'on t'envoie. Vas-y, force. Vas-y, on t'écoute, ouais. Twitter, Instagram, la page Facebook, JCNSF2L. J'ai lâché un très très très gros remix de son de Kaaris, je l'ai déjà balancé. Ça s'appelle Dans l'ombre, il est disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai balancé un très très très très gros remix de chez Gedis, qui va bientôt voir le jour très très bientôt. Bien bon. Alors je déjà, très très gros big up à Fabi Rollup qui s'occupe de ma promo avec toute son équipe. Je remercie beaucoup. Ensuite, gros dédicace à la TCN, big up au frère de l'ombre Amir, Tom, Samir, David, Hugo Chichater, Hamzon, Midi Kizilaza, Patti Alem, Tony Mani, Jimmy Fares, LMC, Lil Jama, DJ Pras, Crisco, très bon clipper, Africa Mikas, Gizer Evra, Voudoudar, Waldosh, gros big up à Mou, Chamar et Medi au mec du Pink, Anarchy Land, gros big up à Farid du Flashback, à Nico du Panamera, au Blue Crystal, au Deux Café, au Bellagio, au Mebac qui vous sépare ce mercredi. Ah, il a des potes, putain, hein. T'as une sacrée liste, hein, mon pote. Ah ouais, gros, t'as la mémoire, hein. Au calme. Vas-y, force au masse, gros. Demain, merci, ce soir, je partage ton son. Merci à toi, en tout cas, Yanis. Vas-y. Et à très vite. Ça voilà. On t'envoie le NBA 2K15 avec le maillot Adidas NBA. Sur ce qui est, toi tu te souviens, puisque tu nous disais tout à l'heure, ouais, t'as commencé à rapper justement dans le quartier et tout, mais la première fois que t'es rentré en studio, toi, la première fois que t'es rentré en studio, c'était quoi, pour un projet pour toi, c'était la première, bah déjà quand j'étais petit, là, quand je t'ai dit que j'ai fait deux sons, c'était dans une chambre, on mettait un chaussette sur un antipode, sur un micro, ils m'ont rappelé. Tu te rappelles ou pas Nida? Ouais. Confirme ou pas? À qui était la chaussette? Hein? À Kinsha. Elle était propre. Ah ouais, j'en doute pas. Au calme. Mais non, là, ça. C'était quand. Quand j'ai fait sur le terrain, c'était même pas au studio. C'était chez Tilo. Chez Tilo, le mec avec qui j'ai fait sur le terrain et son frère. Et la fois où je suis rentré en studio, c'est quand j'ai fait Kobe. Et donc le premier son qui a été balancé de toi, ou qu'on peut retrouver d'ailleurs sur le net, Premier son, c'était sur le terrain. Sur le terrain, c'est celui-ci où on peut te retrouver. Voilà. Et puis depuis, il y a évidemment les Cheguets qui sont en train de faire des millions de vues, des millions de clics. Ouais, ça fait plaisir. Avec des images qui vont avec. Moi, je me suis entraîné sur le 10. C'est vrai. Ah, le week-end a été dur. Bah, je veux voir ta vidéo. Je veux voir une vidéo de. Hey, les auditeurs. Waouh. Je veux voir une vidéo de Fred, moi, en train de tractionner sur Cheguet 10. Là. Ah, a été dur le 10. Hein, ah ouais. Bien bon. Commencé samedi, j'ai arrêté samedi. Samedi. 5 minutes après. C'est bien bon. J'ai essayé de faire 2-3 trucs, tu vois, sans les mains et tout. Je me suis éclaté le nez. Ah ouais. J'ai arrêté tout de suite. C'est bien bon, c'est avec l'effort, ça va. Avec l'effort, oui, c'est bien. Voilà. Bon, ça chauffe dans les bras en tout cas. En tout cas, c'est bien, ça passe dans toutes les salles de muscu. Ouais. Ça passe beaucoup en prison aussi. Les sons, ils passent beaucoup en prison. Ça fait plaisir. Toi, justement, l'ambition, ouais, c'est quoi? C'est que tes sons soient diffusés partout? C'est que il y a une plus large écoute? Ouais, une plus large écoute, ce serait bien. Mais déjà là, c'est pas mal, hein. Ah bah là, c'est. Déjà là, c'est pas mal. Déjà en pratiquement un an, ce que j'ai fait, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Parce que des fois, je m'en rends pas compte, mais c'est énorme. Et ça fait plaisir de voir le nombre de personnes qui me soutiennent, les gens qui m'envoient des messages. Des fois, je peux pas toujours répondre, mais ça fait plaisir dans la rue. Que ce soit même les grands du quartier qui me disent que vas-y, Gradure, continue, reste le même, change pas, toujours humble. Et c'est ça qui me donne la force d'avancer. C'est même les petits qui viennent me voir pour demander des photos, jamais je refuse, toujours je suis là. Et voilà, si Dieu veut, ça va aller loin. Non, mais en tout cas, c'est vrai que sur ces derniers mois, on a beaucoup parlé de toi. Il y a aussi, alors tu sens un petit peu même aussi d'autres personnes du rap qui viennent vers toi, qui t'as des réactions aussi, Ouais, tout à l'heure, évidemment, on évoquait Booba qui a balancé, mais tu dois avoir quand même pas mal de demandes en ce moment. Toi, Ça va. Mmh. Après, c'est mon manager qui gère ça. Moi, je suis pas trop sur ça. Mais déjà, le fait qu'Alonso m'a invité sur son album, ça m'a fait plaisir. Déjà. Ouais. Et donc, en retour, je l'ai invité aussi. On a fait un gros son. Le son, il est très très lourd. Et voilà, la crime, pareil, j'ai parlé un peu avec lui. Même dans une interview, il a dit qu'il allait faire un son avec moi. Ça m'a fait plaisir. Et Niro aussi, qui m'a donné une bonne force. Mmh. c'est des grosses têtes de rap français. Ça. Ah bah ouais. C'est des gens que j'écoutais tous quand je rappais pas. Donc le fait de les avoir sur mon album, c'est un cadeau, mon frère. L'album s'appellera L'Homme au Bob. Ouais, ça va être lourd. Dans les mois qui viennent, en tout cas, ce sera rapide. Voilà. Mmh. En attendant, il y a une mixtape qui sort demain avec les 10 Cheguet, que vous retrouvez sur le site hotculture.com dès demain. Et on met un petit Cheguet. Vas-y. Avant de faire le live. On met lequel Cheguet 10 ah, allez, le 10 pour s'entraîner là. Le 10 Allez, Cheguet 10. Pour s'entraîner 10. Là. Voilà. Omar, il est chaud là. Omar, il n'y a pas de barre de traction à Skyrock. Sois calme. Bien bon. Cheguet 10. Vas-y, c'est parfait. C'est parti, c'est Gradur, notre invité toute la semaine. J'ai un peu dans le casson. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. Sur du Grady, on fait des bombes, des tractions. Un petit car, j'avais mon bloc et du shit dans le casson. Ouais, je répète, du shit dans le casson. Tous les gays font du mal. Ouais, fais attention. On s'en bat les couilles du rap game, négro. Ces rappeurs nous critiquent, ouais, c'est qui crée, négro. On s'y fera jamais comme pour entrer en jeu. Écoutez pas les mecs de test dans les blocs des putains de guerres. Putain, mon son ainsi tous les négros braqueurs. Dans les coutons, je monte en scène rebeu. C'est la rue qui me baquait. Fais attention, autour de moi y'a plein de gens. Radio, c'est le plus gentil, mais derrière moi, les gros sont méchants. Voilà. Tous quand je les écoutais sur YouTube. Maintenant, c'est Gradur qui frappe les négros titus. Je viens de faire en 7 mois ce qu'ils ont jamais fait en 15 ans. Bah ouais, qu'ils sont jaloux. Hein, tu crois que je plaisante? Tout checks m'a dit, voilà, Gradur, fais-leur la misère. Rafale tous ces pétés dans mon régime. Le game, je lui ai mis dans le cul. Il arrête pas de saigner. Ces bâtards veulent ma bite. Maintenant, je vais signer. Sur du Gradur, fais des pompes, des tractions. Alarmé, j'avais mon fama, c'est un peu dans le casque. T'as un peu dans le casque. Ouais, je répète, t'as un peu dans le casque. Le petit Grady a changé, devenu mauvais garçon. Sur du Grady, on fait des pompes, des tractions. Un petit car, j'avais mon Glock et du shit dans le casque. Ouais, je répète, du shit dans le casque. Tous les chéguets font du mal. Ouais, fais attention. Ouais, y'a du monde ou pas? Chouette Zer, HEM, 5-9. Ouais. Dédicace à tout le monde. Ouais, Zakaï, tout dit, on est ensemble. Tout le monde, on est ensemble. Viper et Walou, on est ensemble. Ouais. C'est le Cheguet 10 à l'instant. Cheguet 10. Dernier en date pour l'instant. Ouais, c'est le dernier. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou. Ouais, bah, ou il y aura déjà. Je vais envoyer un clip. Il s'appelle Cheguet Squad. Cheguet Squad. Ah bah, on voit les t-shirts. Ouais. T-shirts bientôt disponibles. On va vous donner l'adresse où on pourra les trouver. Et Cheguet Squad, c'est un son que j'ai fait avec K-Ips. Qui est là. Nida. Qui est là aussi. Et Brabra. Brabra, on t'attend, mon frère, t'es où là? Brabra, t'es où là? Brabra, t'es pas là là, t'es. Brabra! Brabra! Non, il est pas là. C'est le 9-3, et je sais pas, il doit être là en train de. Hein? Il a Montfermeil. Force à Papou! Papou, on est ensemble! Ouais. T'as une connexion d'ailleurs avec le 9-3, toi? Ouais. Ah, mon manager, c'est un mec du 9-3. Ouais. Ah ouais, pièce des bosquets. Pièce des bosquets. Oui, oui. Voilà, on a plein de frérots là-bas oui, aussi. Union du rabat. Hein. Divise, Jim. Jim, grosse force à toi, Jim. On est ensemble. Gradure avec nous toute la semaine entre 20 et 21. Les Chegay à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas encore. Driver, repose en paix, mon frérot. Repose en paix, Driver. Une grosse pensée. Ouais, frérot. Et si t'es prêt maintenant, Gradure, peut-être qu'on peut passer au live. Tu veux qu'on passe au live? Bah, je sais pas. Est-ce que les Chegay sont prêts aussi? Les Chegay sont prêts. Toujours. Bon bah vas-y hein. Donc c'est quoi, c'est un morceau de la mixtape celui-ci? Non, oh, c'est un petit truc comme ça. Petit truc comme ça. Ouais. Petit cadeau. Allez c'est parti, les images sont dispo sur Skyrock FM. Pas le tenir, sur l'appli Skyrock. T'as du mal, il faut le remonter un peu. Vas-y. On va faire comme ça, je peux. Quand vous voulez messieurs. Schweitzer, HEM, Mahmoud, Hiero, Alix. Ok. Chegay Squad. Squad. On m'entend bien là? Bra bra. Ouais. Va leur dire c'est le Chegay Squad. Chegay Squad. Va leur dire c'est le Chegay Squad. Et toi t'es qui? Moi je te connais pas. Et moi je suis qui? Et moi je suis Gradure au planète Rack. Ouais c'est Chegay Squad. Ouais faut que je remonte toutes tes pendules à l'heure. Oui. Là on va se mettre ce qu'ils bossent. J'arrive dans le game, même pas une pige. Et tout est rap, moi leur mets des coups de crosse. Je t'ai demandé un feat, t'as pas voulu. Moi je veux pas de sécu. Moi je marche tout seul dans mon quartier. AM Schweitzer, j'ai pas besoin de sécu. Ouais Chegay, l'album sera salé. Va leur dire de s'allier. Moi je suis frais, j'ai 23 piges, je sors de l'armée. Ils se demandent si je suis 9 de U. Moi je réponds en criant Chegay Squad. Allo copter Miami, vas-y viens Schweitzer, on va faire un fut. Ils veulent tous savoir si j'ai signé ou baptisé pour avoir un tel buzz. Je m'en bats les couilles, je suis dans ma belle. Me fais sucer pendant que je fume un blunt. Demande à Cliffa, demande à Nida. On n'est pas tous seuls, mais on s'est fait tous seuls. Moi je paye mes clips avec l'argent de la drogue que je me faisais à l'armée chaque semaine. Chegay, on arrive de Roubaix pour baiser le game. Sur la route du pilon, faire en détail. T'as 35 piges, tu vas pas dans les temps. Non, négro, c'est trop grave, c'est un soldat que tu veux parler d'armes. Je vais te rentrer ma pété calibre dans ton trou de balle. Pété calibre dans ton trou de balle. Même tes piliers, je sais qu'ils sont pas taille. Putain, gros joint d'arbre à ma gauche. L'infini milliard. Grosse tasse, mais à ma gauche. Forcément, je fais le magouin. Tu es levé son cul pire qu'un quoi. Forcément, cette salope, elle boite. Rentrer avec mon fromage à droite. Ma femme qui bite dans son cul. Escouade. Mes négros ont l'anzala. Font du pif sans les mouchala. Poto, fais pas le fou dans le ouf. Tu vas partir Moutakala. Ah, parce qu'il y en a Moutakala. Ah, des négros, je les calope. Ah, des rebeux, je les calope. Ah, planète rap en calope. Ah, tu me donnes du pif, tu me donnes du pif. Négro, tu vas cracher. Suffit d'une rafale. Ton polo soit caché. Ta peau te cache. Négro, je vais pas te lâcher. On voulait finir foutre la street à tout gâché. Tu me donnes du pif, tu me donnes du pif. Négro, tu vas cracher. Suffit d'une rafale pour ton polo soit taché. Ta peau te cache. Négro, je vais pas te lâcher. On voulait finir foutre la street à tout gâché. Ouais, ouais, ouais. 5-9-0. Chegay Squad. Chegay Squad. Le Zou. Si, si, en léger. Fred de Sky, on est ensemble. À l'instant, live freestyle de Gradure. Je pense qu'on peut faire du bruit, hein, les Chegay dans le studio. Allez-y, elle fait des deux. Gradure en freestyle avec nous entre 20 et 21 dans Planète Rap. Léger. À découvrir toute la semaine sur Skyrock. Mm-hmm. Et le Chegay Squad, donc voilà, ce sera un morceau qui arrivera aussi par la suite. Ouais. Il y a du monde avec toi, on a pu entendre tout ça. Ouais, ouais. Tous les gens qui sont autour de toi. Avant de faire tourner la roulette, est-ce qu'on finit avec un petit Chegay? Ouais. On met lequel? Hein, ah bon, on peut remettre le 2 si vous voulez. Hein. Non, on va pas remettre le 2. Faut changer. Ah, c'est le loto, notez bien. De 1 à 10. Attends, DJ, est-ce que t'as Chegay 9? Issa, le 9. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Ouais, je l'ai. Ah, non. il l'a, vas-y, c'est bon. Vas-y, c'est parfait. Numéro 9. Ouais. Allez, c'est parti maintenant. Sortez les peupons. Balou. Schweitzer. Dédicace ISKMCG. ISKMCG. Qui seront là jeudi. Porte d'Arras. ISK. Zakaï. Je t'ai pas oublié, enfoiré. Hein, dans ta cellule. Fume la weed, enfoiré. Sortez les peupons. Sortez les peupons. Dans mon 5-9, c'est la guerre. Négro, sortez les peupons. Sortez les peupons. un con. Négro, sortez le feu con. Dans mon sac up, c'est la guerre. Négro, sortez le feu con. Sortez le feu con. Négro, sortez le feu con. Choisir des neuf BDA, c'est qui? Sortez le feu con. Nique sa mère, tu sais, bâtard qui nous raconte des bêtises. On s'en bat les couilles du buzz, les gros. J'rappe avec mes scarabées, mais niggis. Stand-up sur le terre-terre des transactions illégales. Vas-y, regarde, elle met bouge et si coup, va t'haga. De la putain de violence, de la barbarie. Vie la bipop de France, c'est roubé, c'est pas Paris. Que des refus, des négros, de la bande, de la goutte, des chansons sur le rétro. Des polis, des meurs, des BM, des mercoles, pas témoin moins du ghetto. Des salopes, des indiques, des coups de fil anonymes sont donnés. T'as pour qu'à ton ghetto, t'es dead, on a retrouvé ta dégoût, t'as pas abandonné. Je me ravitaille dans le secteur pour la misère au régiment. Je parle pas de femme, je t'alente dans les caves, on m'a dit le maniement. Je te dégage, je te dégage, je te dégage. Nyara, Yoga, Doulé, ISKM, c'est chez mon avocat. Tous autres cas, tous autres mémoires. Tous autres cas, tous autres mémoires. Nyara, Yoga, Doulé, ISKM, c'est chez mon avocat. Sortez le feu pour Nero, sortez le feu pour Nero, c'est la guerre. Nero, sortez le feu pour sortez le feu pour Nero, sortez le feu pour si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, chouffe le feu pour sortez le feu pour Nero, sortez le feu pour. Dans mon sac up, c'est la guerre. Négro, sortez le feu pour. Sortez le feu pour. Négro, sortez le feu pour. Choisir du 9 BDA, City, sortez le feu pour. Grosse flasse dans ma jacket. Gros star sous ma braquette. Y'a de la CC, y'a de l'héros. J'suis pas le héros, je fais canard. Dans mon faussaire, ça tourne par rond. Négro, belle écoute, tu mets des panards. Oui, c'est peut-être vrai que j'suis pas rond. La rue m'a laissé des grosses palaves. J'la baisse comme une chaîne, elle encaisse. Négro, c'est plus que le zoo dans ma tête. Ralise, euro. Extra CC, c'est la PAC et la police que je baisse. Vas-y gros, fais péter le son dans ta caisse. BM, Audi, Mercedes. J'rappe à l'armée du AK-47. J'reviens, mais c'est Dembélé, putain de tête. Valois, on est ensemble, mon chéguet. Ne te France. Mets pas mes affaires. Bloqué, chargé, j'suis dans le quartier. Billet violet, billet vert. Négro, c'est la street qui m'a forgé. À cause de la haine que j'ai connue. Aujourd'hui j'ai des putains de projets. M'arrêtez, vous ne pourrez plus. C'est le retour de ISK. J'arrive dans le game en RSK. Viens, si tu veux de l'Esta, j'retiens les plaques de la plaque. Négro, c'est la guerre dans mon secteur. J'baisse les profs, les inspecteurs. Plus 500 chevaux dans le moteur. 500 chevaux dans le moteur. Sortez le peu bon. Le village croix, la PJ, on ensemble. Dans mon secteur, c'est la guerre. Négro, sortez le peu bon. Sortez le peu bon. Négro, sortez le peu bon. Si ce bâtard te regarde de travers, vas-y, souffle un peu bon. Sortez les peu bon. Grosse dédicace à Baltar. Sortez les peu bon. Ouais, ouais. Dans mon sac up, c'est la guerre. Ouais, ouais. Négro, sortez les peu bon. On est ensemble, mais c'est gay. Sortez les peu bon. Négro, sortez les peu bon. Mams. Souhaiter une BDA. City, sortez les peu bon. C'est bon, mais tu peux les fous comme les grands. Fais pas la bêtise de parler sous moi. Hey, t'as gaulé les gants. Yannick Richou, on est ensemble. Là, les BDA sont mon check. Elle, il. Sortez le plus fort, tu m'aimes pas gros, évite de me check. Je vois les gros bras ici, on se frappe sec. On sort le plus fort, nous, pas. Tu vas nous péper en riff, espèce de par les gars, pense à la trop des gars. Grosse pensée pour mes gars, on en tout, tous tes gars. MCG gratuit, ISK. On est pas loin de la détente. AW, on en sort. On a le temps, maman, va les coups de la détention. Quand y'a les flics, on les pute pas de tension. Des gros bras, l'on connecte avec les vrais en prison. J'rappe la R, j'défends tous les caisses. On m'en flot plus le vécu du sang dans tes bafons. Grosse dédicace, ça fait le misère. Une balle pour les hypocrites. Le zèle. Une balle pour les ennemis. Une balle sur ta race de victime parce que tu fermes pas ta gueule de fils de pute. T'es pas la salade, gros, baisse pas ton fils. C'est la guerre, check une neuf. Mec, je passe 20 naquets, y'a pas de bloc. Pour ton zoo, pas loin de 9000 sommes pères. Juste à 9000 de bon, j'écharpe. Rempli de balles, rempli de balles. On est des terres à fumer, c'est trop tard. Sortez les peu bon, Néo, sortez les peu bon. Dédicace John et James, les frères Tox sont ensemble. Sortez les peu bon, sortez les peu bon. Le frère Brandon, Steven, on en sort. Mais moi aussi, je t'oublie pas, mon égo. Sortez les peu bon, Néo, sortez les peu bon. Dans mon sac up, c'est la guerre. Néo, sortez les peu bon. Sortez les peu bon, Néo, sortez les peu bon. C'est que t'as dit. Je vois le PDA, c'est qui? Sortez les peu bon. C'est Gradure avec le Chéguet 9 à l'instant et tout ça est dispo dès demain sur le site hauteculture.com. Bien, vous retrouverez la mixtape gratos de Gradure demain avec les 10 Chéguet plus quelques surprises. Ouais. Force mes Chéguet. À pas louper, juste avant de se quitter pour la première ce soir, on va faire tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée événement de Soprano dans toute la France. Là, on joue à domicile, c'est Benjamin de Lens qui vient faire tourner la roulette. Ah, Benjamin. Salut. Benjamin, comment va? Ça va bien, et vous? Eh ben écoute, on est là, on est dans le nord de la France, avec Gradure, que tu connais certainement, Benjamin. Bah ouais, on est du nord. Eh voilà, pareil. Ici, mon chégon ensemble. Prêt à faire tourner la roulette, on y va? Très, très. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop! Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Et bah c'est la tournée de Sopra qui passe dans le nord de la France, qui passe du côté de Lille le 15 mars. T'as deux places pour Sopra avec l'album de Sopra Cosmopolitani. On t'envoie ça. Merci, c'est gentil. De rien, passe une bonne soirée. Ça fait tellement longtemps que je vous écoute. Et bah bienvenue et surtout n'hésite pas à venir nous faire un petit coup. Bien bon, Chéguet, t'as vu. Bravo. Ça le nord sur Skyrock, on est ensemble. Force. À bientôt mon pote, ciao. Ouais, vas-y, on t'écoute. Je te fais un petit dédicace. Ouais. Petite dédicace à Erwan. Et puis à toute la famille. Ça roule. A plus, ciao, passe une bonne soirée. Merci Gradio pour cette première. Bien bon Fred. Et demain tu vas revenir. Demain on arrive encore. Ouais. Et voilà, oubliez pas la mixtape gratuite demain. Demain sur hauteculture.com. Et je ferai encore un freestyle demain. Et l'album L'Homme au Bob il arrive. Et il y a encore plein de trucs qui arrivent. Il y a un Bataclan aussi qui va arriver. Ah oui, mais c'est vrai que t'as commencé quelques tournées, on peut te voir. Ouais, j'ai fait quelques tournées. Là je suis à. Le 25, à Fribourg, je suis en Suisse. Je pense que c'est le 30, je suis à Orléans. Un gros showcase dédicace à Peperos qui est enfermé. On est ensemble, on sera avec tes gars, tes frérots. Et le 31, il y a un gros showcase aussi à Lyon. Au Red Room. Et ça va être lourd, tous mes rebeux, mes négros de Lyon. Ça va être très très lourd. Et grosse dédicace à Baki RS, c'est lui qui organise tout ça. Et voilà. Eh ben, merci à vous tous. Merci à toutes les questions. À demain, Fredo. Grosse dédicace. Demain, tout nouveau Roubaix. Hamid, Nassim, Bilal, tous mes gars. On est là, ensemble. Adem, Coluche. Ouais. On oublie pas le Tropico. Adem. Ouais. Eh ben, vous êtes toutes les semaines en même temps pour passer des dédicaces. On aura le temps. Voilà. Merci, Fred. Merci à vous tous. On va retrouver D-Fool maintenant qui doit être là. Je te présente D-Fool, Gradure. Salut, Gradure. Salut. Ça va, Gradure? Tranquille et toi, D-Fool, ça dit quoi? Oh, ben, ça dit bien. Ça dit bien. Gigot toujours ou quoi? Ah, ça gigot toujours, ouais. On a gigoté dans la voiture. T'as des fans dans l'équipe, hein, Gradure? C'est vrai? Ah, bah oui. Ah, bah putain, vous. Karim, il saute partout à chaque fois qu'il t'entend. Peut-être que Romano pourrait tenter une reprise de Gradure. J'ai la voix. Franchement, j'ai pile la voix qui T'as les voix et t'as les muscles, t'es pareil. Ouais, bah c'est ça, exactement. Ouais. Si tu sais crier, c'est bon alors. Wow! Vas-y, c'est parfait, D-Fool, force à vous. Eh ben, merci, Gradure, tu viens nous faire un petit coucou dans la semaine. Bien sûr. Ah ouais, t'es là toute la semaine, dans Planète Rap. Parfait. Demain soir, 20h-21h, Planète Rap, à pas louper, c'est Gradure, sa semaine sur Skyrock avec toi, Fred. Force à vous, Skyrock, on est ensemble. Eh ben, merci. Toute la semaine. Ensemble jusqu'à minuit, là, c'est parti. J'attends le remix, hein. Enfin, peut-être y travailler d'ici la fin de la soirée. Faut préparer ça, moi, je verrais bien une rencontre. Franchement, Gradure Romano, il y a un truc à. C'est vrai. Le même gabarit, quoi. Ouais. C'est ça. C'est un million de vues assurées, ça. Ah, ça, tu peux lui apprendre minimum. Deux, trois pompes. Ouais, je vais lui apprendre. Romano, ça lui ferait du bien, je pense. Je mettrai un saucisson. Ouais, bah, Fred, tu ferais bien d'en faire aussi. J'ai pas entendu. Ça peut marcher. Je disais, tu ferais bien d'en faire aussi. Non, j'ai entendu, c'est bon, on passe à autre chose. Merci, Gradure, à demain. Vas-y, force. Demain, 20h-21h, Gradure sur Skyrock, à pas louper. Et là, c'est parti, jusqu'à minuit. Cigartex, Radio Libre. Ensemble jusqu'à minuit, nous aussi. C'est parti, on y va en direct. Salut, Fred, ciao.